Émission numéro 21 du 16 avril 2010. Bonjour et bienvenue à cette émission du podcast des éditions de l'avenir. Christian Martin au microphone. Avant tout, je vous rappelle que les premières émissions de notre podcast ne sont plus disponibles via le site du podcast sur Podomatic. Elles ne sont toutefois pas perdues pour autant. Elles sont placées en archive par manque d'espace et vous pouvez les télécharger directement sur l'avenirpodcast.canalblog.com. Le lien est disponible sur notre blog et sur le site du podcast. Aujourd'hui, notre émission se divise en deux temps. Nous compléterons d'abord notre aventure de Mazas Pavel, puis je vous reviendrai pour vous présenter autre chose pour compléter l'émission. La semaine passée, nos amis, après avoir éliminé une patrouille, s'apprêtaient à gagner un tanker d'huile de Tuttle. Les éditions de l'avenir présentent Agent de l'OMU, une aventure de Mazas Pavel, roman fanique d'André Bory, paru à l'origine dans la Gazette de Terrania et Basis hors série numéro 4. Chapitre 7, cinquième partie. Leur macabre tâche achevée. Ils quittèrent le local technique où ils avaient abandonné les corps et repartirent en direction du train de tanker rempli d'huile de Tuttle. Mais alors qu'ils se trouvaient à 200 mètres à peine de leur but, l'aire de parking où stationnait le convoi s'illumina subitement, les obligeant à reculer précipitamment et à se réfugier derrière un gros véhicule contenant des produits pour lutter contre le feu. « Que se passe-t-il ? » demanda Gora à la voix basse. « Tout est éclairé, mais il n'y a pas plus d'activité dans le secteur. » remarqua Stevomir. « L'équipe de maintenance ne va pas tarder à arriver. C'est pour cela qu'ils ont allumé. » expliqua Vorgla. « Alors qu'est-ce qu'on fait ?» interrogea Corton. « Je sais où trouver le tableau de commande. Je vais aller provoquer un court-circuit en espérant qu'ils penseront que c'est accidentel. Et pendant que le courant sera coupé, vous vous précipiterez vers votre conteneur et vous vous glisserez dedans. Faites vite, car je ne sais pas combien de temps il leur faudra pour réparer la panne. Bonne chance. À toi aussi, et merci pour ton aide. En vous aidant, j'aide aussi mon peuple, car j'espère que votre OMU interviendra pour nous libérer des Antilles. Je te promets de faire le nécessaire auprès du Lord Amiral. L'indigène s'entretint quelques instants avec l'Arlun, puis... après un dernier signe d'adieu, il se glissa en rampant hors de l'abri et disparut rapidement dans la nuit. « Espérons qu'il réussira sans se faire prendre !» souhaita Corton avec ferveur. « Ne t'inquiète pas, mon cousin est un malin !» le rassura le Coriolanais. Quelques minutes passèrent, et un véhicule aux couleurs bleues et rouges apparut dans la zone de lumière. Qu'est-ce que c'est encore que ça ? Maugréa Steve. Sans doute, l'équipe de maintenance. Rétorqua la jeune femme. Au même moment, la lumière s'éteignit, plongeant à nouveau cette partie de l'astroport dans l'obscurité. Vite, il faut y aller ! Les exhorta l'Arlun. Un instant, il faut voir ce que vont faire les gars du véhicule de maintenance. Ce n'est pas le moment d'apparaître dans les faisceaux de leur phare. Objecta Mazas en posant la main sur le bras de l'indigène. Mais, pour une fois, La méfiance de la jeune femme n'était pas justifiée. Ils virent l'engin faire demi-tour et repartir dans la direction dont il venait. Deux minutes plus tard, ils étaient tous blottis au pied des courts étançons qui soutenaient des conteneurs. Mazas examina avec soin l'énorme cylindre couché aux sommets arrondis, dont la masse sombre semblait l'écraser, et estima que leur voyage serait encore plus inconfortable que ne l'avait supposé. « Ne perdons pas de temps !» murmura Larloun, en déployant son échelle et en l'appliquant contre les flancs bombés de l'engin qui devait leur permettre de quitter Coriolan. Ils enfilèrent rapidement leur combinaison de survie et vérifièrent l'étanchéité des casques et le bon fonctionnement du système respiratoire avant de rabattre le casque transparent derrière leur tête. Ils voulaient encore profiter des dernières goulées d'air frais. L'antilan, quant à lui, les regarda faire sans bouger. « Presse-toi, Arx !» l'exhorta Goral. « Arx ne part pas. Arx reste avec Larloun pour venger Sendorf. » se contenta de répondre l'octopode. Tous furent surpris de sa réponse, mais personne ne fit la moindre objection. Il connaissait son indéfectible attachement à son compagnon humain et comprenait sa réaction. Mazas se contenta de tapoter affectueusement un de ses tentacules en disant « Prenez bien garde à vous, tous les deux. »« Bon, je sais. » Et il lui rendit son geste d'amitié. « Bon, eh bien, allons-y. » Et la jeune femme, après avoir serré la main du Coriolanais, escalada avec agilité les barreaux et, en rampant avec précaution, progressa sur la surface lisse et courbe jusqu'à ce que sa main atteigne la trappe de remplissage. À partir de là, elle put se hisser sans risque de chute sur le couvercle de 70 cm de diamètre au centre duquel se trouvait une poignée repliée dans la structure. À tâtons, elle essaya de la dégager, mais les gants de sa combinaison lui ôtaient une partie de sa dextérité. Aussi, elle se mit à genoux, sortit d'une poche étanche son fameux couteau atomique et parvint à glisser la lame dans un interstice. En faisant levier, elle parvint à dégager la poignée, une barre métallique de 20 cm environ qu'elle saisit à deux mains. Elle entreprit de la faire bouger, mais il lui fallut déployer toutes ses forces pour parvenir à la faire tourner. Avec un petit chointement, la trappe sortit légèrement de son logement et la jeune femme n'eut plus la moindre difficulté pour dévisser à fond et rabattre en arrière le couvercle du conteneur. Elle jeta un coup d'œil à l'intérieur et fit la moue en apercevant la lueur parcimonieuse d'une des trois lunes, les reflets moirés de l'huile de Todd. Puis, une main grippant le rebord de l'ouverture, elle se pencha en murmurant « C'est ouvert, vous pouvez monter. » Les humains prirent congé des deux extraterrestres et s'éclipsèrent aussitôt, se fondant dans l'obscurité. Quelques instants plus tard, les fugitifs étaient agglutinés autour de Mazas, qui empoigna le haut de l'échelle qu'elle hissa jusqu'à elle. Puis, elle la replia et désigna l'ouverture à ses amis. « Qui s'y risque le premier ?» Un temps d'hésitation, puis, avec un gros soupir, Goral verrouilla son casque, s'assura de son étanchéité et se laissa glisser au sein du liquide visqueux. Steve, à son tour, se laissa couler, mais Corton parut s'affoler quelque peu au moment d'y aller et s'arrêta, presque tétanisé. La jeune femme tenta de calmer son angoisse. « On a tous la trouille, mais comme il n'y a pas d'autre solution... » Il approuva d'un hochement saccadé, tenta un pâle sourire et enfila son casque dont il bloqua soigneusement la fermeture. Puis, il s'enfonça dans l'huile, le corps raide. Mazas s'engagea à son tour dans l'ouverture et rabattit la trappe au-dessus de sa tête au moment même où l'astroport s'illuminait à nouveau. « De justesse !» songea-t-elle, en souhaitant de toutes ses forces que Larloun et Arx aient eu le temps de disparaître sans se faire repérer. Elle alluma alors le projecteur de son casque, afin de s'assurer qu'elle refermait correctement et hermétiquement le couvercle. Puis, elle jeta un coup d'œil sous elle,